Hey. Ouais, j'ai mis le machin par là, un faux mouvement, je t'envoie au Valhalla. Ils disent que je suis en prison, même dans Gala. Que je suis debout, même encerclé comme Gaza. Que je reviens comme une frappe de Mohamed Salah. Quand j'avais Walou, t'étais pas là. Si tu m'as soutenu, t'inquiète, j'oublie pas Walla. Moi c'est Gucci, Gucci, Gucci, Prada. Ficelle sur le déco, cracha, eh. Gonzalo Rodriguez, gacha, eh. Droga, droga dans la massa, eh. Pose ton gros bout dans la classe, ça parle à ma E comme moi, elle te calabite. Sourire du joker sous le bandana, les te respect, mérite des coups de cala. Petit guetteur qui se prend pour Tony Montana. Ça passe par ta techa ou par ton zen. De l'huile de TH cool quand je saigne. Des billets de 500 qui poussent quand je sème. Série de bif quand je t'aime. 22-22, j'ai un 44. J'aime me faire Céus quand je tire une latte. Bâtard, tu dois, t'as disparu, tu tâtes. Ça sent la perquise à chaque fils du mat. Hey! Le produit en guedin. Le Sikou va faire le refrain. Tu tapes des rails mais tu rates les trains. Bang, bang, bang, bang. Le produit en guedin. Le Sikou va faire le refrain. Elle veut maintenant qu'elle sait que je suis repeint. Eux sont bons qu'à faire la mala. Y'a pas de tutechi qui sort de leur talma. Y'a que des maudits maudits dans nos karmas. J'conseille la guerre au Dalai Lama. Des choux sur la côte, y'a la guardia. J'ai mis de teco pour la pharma. Une putain remplacera jamais la mama. J'démarre la tueuse de 911 Targa. Y'a que dans le Banks Banks que ça bada. Résidu de foot sur 24 carats. On sort du hall comme du Masai Mara. Transfert de kilos comme mes frères de Guada. Tire sur un gros pédo comme Zaja. Et pourtant j'espère être à l'heure pour Fajar. On a tout ce que tu cherches comme dans un bazar. J'découpe la quête à la hache comme Ragnar. J'ralentis, j'accélère au radar. Y'a pas de hasard, on est des bâtards. Canon est profond, t'es trop bavard. Constat juste après que j'étais ton car. J'pense à monter sur un bon char. Elle pense qu'à monter sur mon dar. J'suis toujours aux manettes comme Bachar. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Le produit en guedin. Le Sikou va faire le refrain. Tu tapes des rails mais tu rates les trains. Bang, bang, bang, bang. Le produit en guedin. Le Sikou va faire le refrain. Elle veut maintenant qu'elle sait que je suis repeint.